dépendant, dépendant des propriétés pharmacologiques, d'accord, que cet effet secondaire soit lié à l'activité humaine du médicament, à une sociale, soit lié à une des propriétés pharmacologiques. D'accord. Ça, c'est le deuxième cas. Et troisième cas, on peut considérer un effet secondaire comme étant une exagération de l'effet primaire. C'est pas dans le premier cas, sauf que maintenant, ça dépend beaucoup plus du sujet. C'est-à-dire que c'est le sujet qui répond de façon exagérée, c'est-à-dire qu'il a des récepteurs qu'on peut considérer comme étant hyper actifs. D'accord ? On n'a pas le droit de dire hyper sensible, hyper actif. Là, donc, c'est une particularité dans une population. Maintenant, on revient à 1, 2, 3, ça, troisièmement. Vous avez en envie des définitions ? Classification, pardon. Troisièmement, effet secondaire, dose dépendante. Quatrièmement, maintenant, effet secondaire, dose indépendante. Effet secondaire, dose indépendante. Cela sous-entend tout simplement que vous avez des réactions qui n'ont rien à voir avec les propriétés pharmacologiques, ni l'effet primaire, ni une autre propriété. Rien à voir. C'est un effet secondaire qui peut apparaître. Et on avait dit qu'ils étaient imprévisibles, en plus d'être dose indépendante, contrairement au premier cas, où les effets secondaires sont liés à la dose. Parce qu'on avait terminé en conclusion qu'il y a des recommandations. Les recommandations, c'est qu'on pouvait diminuer la dose pour faire diminuer ou disparaître les effets secondaires. On ne peut pas obligatoirement diminuer la dose si la dose que vous avez administrée est la dose minima. D'accord ? Parce que si vous diminuez encore la dose, l'effet primaire va encore disparaître. Et dans ce cas, on est obligé d'additionner un médicament correct. Et dans le troisième cas de figure, si ces effets persistent, là, on fait un changement dans deux termes. Là, c'est un autre problème. Le problème, ce sont des effets qui sont imprévisibles, qui sont indépendants. Donc, on ne peut pas les lier aux propriétés pharmacologiques du médicament, disant que peut-être c'est une problème, puisque quand le médicament, l'effet secondaire est lié aux propriétés pharmacologiques, ils sont prévisibles. On sait que telle molécule peut provoquer tel ou tel ou tel effet de par ses propriétés. D'accord ? Maintenant, c'est un effet secondaire. C'est une réponse qui est totalement indépendante des propriétés. Donc elle devient imprévisible. Et de surplus, ce n'est pas une histoire de dose, parce que on va revenir à la définition, qui peut provoquer même à très très petite dose un effet qui est nocif. Il n'est plus nuisible, même à la plus petite dose. Donc c'est une classification qui est à part. Et là, on va distinguer, on va revenir à ce que je dis, à cette réaction immuno-allergique aux médicaments. La question qui se pose, est-ce que tous les médicaments sont allergisants ? Pourquoi vous dites non ? Oui, parce qu'il n'y a pas un esprit parce qu'on en a fait moins. Vous avez dit non. Pourquoi ? Pour le plaisir de dire non. Hein ? Partie d'opposition. On n'est pas d'accord parce que les autres ont dit oui, et moi je dis non. Non, soyez logique. Vous avez fait un peu de l'immunologie. Oui. Il y a des médicaments qui ne produisent pas des effets allergiques. Oui. Mais j'ai dit, est-ce que tous les médicaments sont allergisants ? Parce que je peux changer la question. Quand disait votre camarade, quand il s'agit d'un jeu de mots, hein, je le retrouve Généralement, c'est ça. Alors, on disait, est-ce que tous les médicaments d'éducation sont directement allergisants? Et là, la réponse est est-ce que tous les médicaments ont des propriétés allergisantes ou tous les médicaments sont directement allergisants? Très bien. C'est pas fou. On peut ne pas être allergique. En fin de compte, on n'est pas allergique à la pénicilline, on est allergique à son métabolite. C'est la pénicilloïde. Mais d'accord, les deux questions, est-ce que les deux questions sont identiques? Non. Est-ce qu'elles vont nécessiter obligatoirement la même réponse? Non. Alors si c'est non, c'est pourquoi? Pour qu'une molécule soit responsable d'une réaction allergique, il faudrait une condition. Non, c'est pas une sorte de récepteur. Accumulation, non. La réaction allergique est dose indépendante. Pas obligatoirement. Le sujet réagit à quelque chose. Il ne tolère pas. Pourquoi il ne tolère pas? Pourquoi certains, dans une même famille, vous habitez la même maison, certains font des allergies à la poussière, aux acariens, à la pénicilline, et les autres, pas. Mais tous les médicaments, toutes les molécules endogènes, exogènes, sont considérées comme des molécules exogènes. Vous entendez, c'est portable ou non? C'est portable. Ça devient un peu compliqué. Ça, c'est pas scientifique. Aucune idée. bonne réponse. Bien sûr, ça n'a aucune idée. Je vous dis, je t'en vois. Vous savez, oui. Non, c'est une interaction du pas. Du pas. Et j'en ai parlé. Mais comme j'ai l'impression que vous avez des trous, mais pas. Vous n'avez pas une zone de stockage. Et quand, non. Alors, il y a des extensions de mémoire. Ça, c'est dur. Et autres, on est à la troisième génération. Troisième génération, comme ça vous allez filtrer. Et j'en ai parlé au moment quand j'ai fait le cours sur la distribution. Si vous vous rappelez, dans la distribution, on a parlé d'une fixation sur les protéines. Et je... Voilà. On avait dit que la fixation devait être irréversible. La fixation sur une protéine au stade de la distribution, j'ai dit condition, était réversible. Et je vous ai dit, j'ouvre la parenthèse, on vous a parlé, quand il y a un problème, c'est quand un médicament se fixe sur une protéine de façon irréversible, ça devient un gros problème. Là, ça donne naissance à une macro-protéine. Et c'est là où la réaction est déclenchée. Pourquoi ? Elle ne se fait pas directement, parce que je reviens à ce que je disais, que la majorité des médicaments sont de très bien, de bas poids moléculaire. Pour qu'il y ait une réaction allergique, il faut qu'il y ait une molécule de haut poids moléculaire, pour que la réaction soit médiée. Comme les médicaments sont de bas poids moléculaire, la réaction ne peut pas être directement. Tous les médicaments peuvent être, sauf qu'il y a des conditions. Chez un sujet particulier, soit notre frère, notre père et nous-mêmes, à ce moment-là, c'est que cette molécule ou son métabolite, comme on appelle la pénicilline, eh bien, au lieu de se fixer de façon réversible avec un groupement, c'est un autre groupement qui se fait et la liaison devient irréversible. Le corps ne reconnaît pas cette molécule parce qu'elle a donné une macro-molécule, donc elle est des anticorps. Et là, on a initié la réaction allergique, comme elle est d'origine immunitaire, on dit que c'est une réaction immuno-allergique. C'est vrai que la question, est-ce qu'ils le sont ? Oui. Est-ce qu'ils le sont directement ? Non. S'ils ne le sont pas directement, c'est parce qu'ils sont de bas poids moléculaire. Mais est-ce qu'il y a probabilité qu'ils peuvent ? Oui, cette probabilité est vraie pour tous les médicaments, si un médicament est déjà très faible. Et je l'ai dit, quand on a fait la classification, j'ai dit que la fréquence est très faible. Il y a des sujets qui sont allergiques à l'aspirine. Tout simplement. Il y a des réactions allergiques. Vous en entendez rarement ici. Mais j'ai dit que la gravité est très importante. Si certains sujets développent ou déclenchent une réaction immunitaire, ils peuvent perdre. Tout dépend du type de réaction. Et là, vous avez une manifestation de passé. Dans même la réaction type 1, on va la voir, si vous vous rappelez un peu, vous avez fait la réaction type 1 ? La méthane, l'hypersensibilité immédiate. Non. Mais je vais nécessiter tout simplement, pour ne pas rentrer dans les minots, pour vous simplifier, voir les réponses. Donc, vous pouvez passer d'une réaction à une réaction qui est mortelle. On peut passer d'une simple, ce qu'on appelle d'un simple prurit, c'est une démangeaison, d'accord ? Parce que c'est ce qu'on appelle donc des réactions histamino-libération, jusqu'à l'œdème, qui peut carrément obtenir une obstruction des voies respiratoires, là de dire, au décès. On va les voir ultérieurement. On est bien d'accord sur ça ? Et si ça gémit, il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Il y a pour déclencher, pour voir qu'on a un sujet, on peut dire que telle molécule est responsable d'une réaction allergique. D'abord, il faut montrer un début. La réaction, vous allez voir, parce qu'on a deux catégories. On a la réaction immunoallergique et on a la réaction qu'on appelle la réaction d'idiosyncrasie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on n'est pas arrivé à la classique. Idiot, sociaux. 5 rasies, c'est la réponse. C'est comme on trace des pathologies très particulières, idiopathiques. D'accord ? C'est une réponse qui est très mal définie, et on la met, mais il y a une différence. Dans la réaction immunologique, il y a un délai. C'est-à-dire que le sujet doit être exposé entre l'administration et la réponse. Il faut quand même un certain temps. Donc, par contre, vous allez voir que la réaction d'idiosyncrasie, on dit que la réponse accompagne l'administration, accompagne la première administration. Il n'y a pas de délai. La notion de délai est supprimée. Deuxièmement, que cette réaction est déclenchée par la plus petite dose. On avait dit, c'était dose indépendante. Les réactions allergiques ne sont pas liées. Quand on est allergique à quelque chose, on n'est pas allergique à partir d'une certaine dose. D'accord ? Il suffit qu'on soit au contact, pour certains, très simple. Les gens, les enfants qui sont allergiques, par exemple, aux pêches, ou là, à la peau, tout simplement, qui a de l'eau trop, ben, s'ils mangent tout simplement, directement, et qu'on n'a pas enlevé la peau, eh ben, ils vont développer carrément des rougeurs. Le simple contact peut déclencher une réaction locale, et parfois, si donc, elle est ingérée, ça peut déclencher une réaction carrément systémique. La réaction peut se manifester à toute nouvelle exposition. Ça sous-entend tout simplement qu'un sujet peut être traité par la pénicilline, la première fois. Vous lui avez donné un traitement de 7 jours, ou de 8 jours, il n'a pas eu de réaction. Et puis, 6 mois après, il prend, par le biais d'un autre médecin, ou là par lui-même, par automédication, il prend de la pénicilline par voie orale. Dès qu'il prend le médicament, il déclenche la réaction. Faites attention, là, on n'a pas le droit de dire que c'est une réaction d'idiosyncrasie. C'est une réaction d'allergie. Parce qu'il a été déjà au contact. Donc, il a des anticorps en mémoire. Alors que l'idiosyncrasie, c'est que c'est un sujet qui n'a jamais été au contact. Pour la première fois. On est bien d'accord sur... On va les définir entre les deux. Bon, j'ai défini l'immunoallergie et maintenant il est dit, et on va prendre l'autre, d'abord il faudrait comprendre que la réaction d'idiosyncrasie n'a pas un support immunitaire, mais elle a plutôt un support génétique. C'est une intolérance particulière ayant plutôt une réaction et un support génétique plutôt qu'une réaction immunitaire. Oui. Alors, il y a des malformations au niveau des récepteurs ou... Non, ce n'est pas une réponse. La réaction immunitaire n'est pas une action sur le récepteur. Si vous pouvez considérer que la fixation d'un antigène sur un anticorps, un récepteur donne une réponse. Si vous pouvez considérer que la réponse immunitaire est une fixation sur un récepteur, ce n'est pas faux. D'accord ? Mais le mécanisme est différent. Pourquoi elle est irréversible ? Pourquoi elle est irréversible ? Là, je peux vous répondre que il y a des conditions où une liaison peut se faire selon les données dans une molécule, un donneur et un attracteur. En toute chimie, il y a une liaison qui se fait de façon réversible. Mais parfois, la liaison se fait du type covalent. Et la liaison de covalence est une liaison qui est stable. Et plus la liaison est courte entre deux groupements, quand vous faites par exemple une liaison entre un O et un H, elle est plus importante. Mais si vous faites une relation, ça c'est de la chimie, une relation entre un carbone et un oxygène, elle est courte. Parce que le carbone a plusieurs électroniques et la même chose d'oxygène. Donc la liaison devient plus stable. Et plus la liaison est stable, plus elle devient irréversible. D'accord ? Ça c'est des conditions que certains sujets font, que d'autres ne font pas. Et c'est la particularité, on parle de médicaments, mais on parle également d'allergie à la poussière, aux acariens. La même chose. Pourquoi ? La même chose. Il y a donc des réactions qui se font de telle façon à ce que le sujet déclenche, donc, parce qu'il y a ce qu'on appelle une athénisation, il y a l'athène qui se forme, et de ce fait, la réaction immunitaire est déclenché. Déclenché soit par les immunoglobulines M, soit E. Et donc, on va voir rapidement les classifications, parce que je ne vais pas rentrer, ce n'est pas de mon ressort. Vous allez le voir, je les cite pour que vous ayez une idée. D'accord ? Alors que la réaction idiosyncrasie ne déclenche pas ce type de réponse. Elle n'a aucune relation avec les immunoglobulines ou tout ce qui est en rapport avec l'immunité. J'ai aucun problème pour les protéines de transport. Non. C'est pas un problème, c'est pas une anomalie de transport. C'est les mêmes protéines, elles peuvent se fixer sur l'albumine, mais de façon stable. La pénicilloïde qui est métabolite se lie sur l'albumine, mais de façon très simple. Parce que les groupements qui se font entre la pénicilline et son métabolite, parce qu'on peut être allergique, pas uniquement à la molécule mère, mais un métabolite. Et on va appeler ça, parfois, un métabolite réactif. Parce qu'il donne une réaction propre. On est ça. Vous pensez que vous n'avez pas de pénicilloïde. Si quand vous prenez l'aspirine, vous avez ce métabolite. Mais ce métabolite ne se lie pas de façon covalente avec votre protéine. Certains sujets le font. Et à ce moment-là, si cette liaison devient stable et durable, l'organisme va déclencher une réaction de non-reconnaissance, comme disait votre camarade, d'une molécule mais exogène, mais macro. Et tout ce qu'il ne reconnaît pas, c'est beaucoup plus. En fait, c'est des grosses molécules. Il reconnaît les protéines en tant que macro, parce que ce sont des molécules endogènes. Il reconnaît les hormones, parce que c'est des molécules endogènes, mais les molécules exogènes, dès qu'elles changent de configuration, il ne reconnaît pas. Est-ce que c'est clair ? Oui. C'est génétique. Génétiquement transférable ou pas ? Immunologie. Je ne sais pas. La réponse immunitaire n'est pas génétique. L'idiosyncrasie. Donc, dans les secondaires doses indépendantes des propriétés pharmacologiques, comme vous voulez, vous notez qu'il existe deux types de réactions. Il existe deux types de réactions. D'abord, premièrement, réaction immuno-allergique. Réaction immuno-allergique. Que dans ce cas, cette réaction nécessite un délai. Nécessite un délai entre l'état allergique, un délai entre l'état allergique et le contact initial. Un délai entre l'état, c'est-à-dire la réaction qui se manifeste, et le contact, c'est-à-dire l'administration. Un délai. Cette réaction est dose indépendante. Car elle peut être, cette réaction est dose indépendante, car elle peut être déclenché par une dose minime. Et peut se manifester à toute nouvelle exposition. Deuxièmement, la réaction d'idiosyncrasie. Notez que dans ce cas, la manifestation, dans ce cas, d'être l'idiosyncrasie, dans ce cas, la manifestation accompagne directement la manifestation. Accompagne, je dis bien, directement la première, dans ce cas, la manifestation. Accompagne directement la première administration. Dans ce cas, la manifestation accompagne la première administration. Il semblerait qu'elle ait un support génétique. Il semblerait, parce que jusqu'à présent, on n'a pas vraiment établi la relation cause-effet. On a constaté que beaucoup aient des problèmes d'une part génétique. Il semblerait qu'elle ait un support génétique. Elle peut prendre, contrairement aux réactions allergiques, n'importe quelle manifestation. Je vous donne tout simplement un aperçu. Bon, avant de me prendre note, j'explique la dernière phrase, c'est que la réaction idiosyncrasie n'est pas classée, contrairement aux réactions immunoallergiques qui sont bien définies. Les réactions immunoallergiques sont classées en réaction type 1, 2, 3 et 4. On appelle diverses sensibilités immédiates, cytotoxiques, opoxyphina et médiation cellulaire. Donc 1, 2, 3, 4, c'est bien clair. Chaque réaction a des signes particuliers. D'accord ? Pour la réaction d'hypersensibilité, on peut aller d'un simple urticaire, une réaction urticarienne, la rougeur, vraiment, prurite, comme des démangeaisons, à un choc anaphylactique. La réaction type 2, je ne veux pas rentrer dans les mécanismes, je le dis, vous les verrez, on ne va pas attendre pour le cours, j'explique comment on peut classer la réaction. La réaction cytotoxique, c'est carrément, vous allez voir que dans le premier cas, on vous l'expliquera que l'anticorps, soit il est libre, soit fixé. D'accord ? Et en fonction de l'anticorps libre ou fixé, la réaction est différente. La même chose également pour l'antigène. Là, l'antigène, dans la réaction type 2, est fixé sur les globules rouges. Quand l'anticorps fixe sur l'antigène, il provoque une lyse cellulaire. Et la lyse cellulaire, beaucoup de la fixation se fait sur les globules rouges, beaucoup plus, et un peu sur les plaquettes. Et vous verrez des anémies. En l'occurrence, des anémies hémolytiques, des thrombocytopénies, également un effondrement du taux de plaquettes. Dans ce cas, en faisant tout simplement une simple formule, une adresse, on peut déterminer un peu l'origine. Je vais y revenir, je ne veux pas rentrer dans les détails. La réaction complexe humain, vous allez voir que dans ce cas, les antigènes, anticorps vont être libres et tous deux vont adhérer sur les parois vasculaires. En adhérant sur les parois vasculaires, ils nécessitent également, contrairement à la réaction type 1, nécessitent l'apport des compléments. D'accord ? C'est la seule. Donc, antigènes, anticorps, compléments vont provoquer également une altération des parois vasculaires. Tout dépend maintenant où se situe cette altération. Est-ce qu'elle est au niveau cardiaque, rénal ou pas ? Donc vous aurez soit des défis, soit carrément des atteintes du cœur, des myocardites, c'est-à-dire des pathologies vasculaires. cellulaire. La médiation cellulaire est une réaction, on va vous en parler, très retardée. Elle ne fait pas appel ni aux des immunoglobulines type ME ou autre, mais elle fait appel donc aux lymphocytes. Et à ce moment-là, on a beaucoup plus des réactions type cutanée, des dermites, des eczémas. Et ça, vous le verrez souvent, surtout pour des personnes qui utilisent certains savons ou certains détergents à la maison et qui développent des eczémas. Ce qu'on appelle les eczémas de contact. On aura donc, c'est pas réellement. Et ça, c'est des réactions à médiation cellulaire. On peut le voir avec des médicaments, on peut le voir même avec certains parfums. D'accord ? C'est... Ou bien certaines crèmes que les gens font, ils développent carrément une desquamation de la peau, là c'est la peau qui sèche, ben, qui va donner des réactions particulières. Ce que je voulais vous dire, tout simplement, je parlais de délai. Et on va vous l'expliquer dans le cours d'immuno, ça c'est une parenthèse, je vais vous dire que les choses qui m'intéressent en pharmaco, là c'est un peu pour asseoir vos connaissances, c'est que les réactions nécessitent toujours un délai de réponse. Pourquoi on l'a appelé hypersensibilité immédiate? Parce qu'elle peut apparaître très rapidement dans le temps. Alors que les autres réactions sont très retardées, qui peuvent être de 15-20 jours, sinon de 6 mois à 2 ans. Parce qu'on n'a jamais pu, pour certains, beaucoup de cliniciens, et vous le verrez quand on fera le cours sur la pharmacovigilance, d'aller, dans certains cas, en arrière. Pourquoi? Parce que la réaction se déclenche après l'arrêt du traitement. C'est-à-dire que le malade a arrêté le traitement il y a plus d'une année. Et que les répercussions cliniques vont se voir, la défrite va apparaître, dans certains cas, avec certains médicaments, 6 mois ou 8 mois après. Je vous ai donné l'exemple de la pénicilline, d'accord? Si j'ai mis dans les cas, chaque fois comme exemple, j'ai mis dans le premier cas les anesthésiques, d'accord? J'ai mis la pénicilline, j'ai mis également les vaccins, surtout le vaccin antirabique. Il est très allergisant. Il faut faire attention. Mais il y a également, on peut avoir une réaction type 2, c'est-à-dire une anémie, mais également avec la pénicilline. C'est pas parce qu'on a toujours tendance à penser que la pénicilline ne donne que les prurites et le choc anaphylactique. C'est faux, ça, la pénicilline peut donner également une réaction cytotoxique. J'ai donné également, c'est pas pour remplir le tableau, si la pénicilline peut donner un complexe immunitaire, c'est-à-dire qu'elle peut donner une atteinte cardiaque. Et pourtant, on donne l'extensiline parfois pour le traitement dans le RA. D'accord. Quand on donne également. Ou prévenir la tête cardiaque, mais on peut avoir également avec la pénicilline une médiation cellulaire. Si j'ai mis péni, c'est tout simplement pour vous montrer, pour revenir à ce que disait votre camarade tout à l'heure, en disant monsieur, c'est le sujet. Oui. Et si la réaction apparaît, elle n'apparaît pas dans l'ordre. D'accord? En disant qu'on peut avoir la réaction 1, le type 2, le type 3, non. C'est-à-dire que chaque sujet peut avoir une réaction particulière. Avec la même molécule, il peut avoir une réaction immédiate, type 1, mais il peut avoir une réaction qui peut se déclencher une année après, c'est-à-dire une réaction immune, c'est-à-dire complexe immun. Il peut avoir une atteinte, une insuffisance rénale chronique, qui peut apparaître très retardée chez le sujet. Est-ce que vous m'avez suivi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas le même sujet. Hein, si les réactions sont classées comme ça, on les a classées, mais ce n'est pas un classement par ordre d'apparition. Certains sujets peuvent avoir une réaction type 1, d'autres vont avoir uniquement une réaction type 4 ou 2 ou 3. D'accord? La réaction, vous allez dire, monsieur, est-ce qu'on peut avoir une et trois? Non. Tout dépend de l'organisme. S'il réagit en faisant des réactions, il va initier qu'un seul mode de réaction immunitaire. On est bien d'accord? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Bien sûr. Je peux poser une question? Donc, si je ne la pose pas aujourd'hui, je la poserai le jour d'examen. Alors, j'aime vous faire ou la fin à jour. Vous choisissez. Alors, il vaut mieux mettre une riche. J'ai mis métabolique. Ne fais pas répéter. n'est pas allergique à la bénite, on est allergique à ce produit d'amande. Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas de question? D'accord? Donc, moi, je pose une question. Souvent, quand on veut déterminer les réactions, quand on veut essayer de comprendre, là, prédire une réaction, on veut donner un médicament demain, on sait que c'est une molécule qui est allergisante. Qu'est-ce que vous faites? Deux tests, merci beaucoup. C'est un test cutané. C'est un test sous-cutané. D'accord ? On prend, on injecte. On attend ce qu'on appelle, c'est quand on est test d'allergie. Ça, c'est le test général, soit avec la PMI ou avec les poussières, les allergologues font. D'accord ? Quand on détermine à l'humidité, à la farine, à la poussière, aux acariens, etc. Même à la laine, etc. Donc il y a de l'antigène qu'on injecte en petite quantité et on détermine ce qu'on appelle la réaction, la triade de Lewis. La triade de Lewis, c'est rougeur, œdème, on va dire extension. Pourquoi? Parce qu'il y a une réaction allergique, histamino-libération. Et plus le diamètre est important, plus on va déterminer, plus on va dire que le sujet est allergique. D'accord? Ça se passe comme ça, c'est des tests. Donc on va faire le test avec la pénicilline. À quel moment vous allez faire le test? Est-ce que vous allez le faire avec tous les malades? Non. Ça, ce qu'on appelle le tableau de de Jetroux, c'est un tableau qui classe les réactions immunolaires. Alors que la réaction, j'ai terminé, que la réaction d'idiosyncrasie, contrairement aux réactions immunologiques qui sont codifiées, ben c'est une réaction immunologique. Elle peut prendre n'importe quelle réaction, n'importe quelle réaction. Elle peut être même un effet primaire exagéré. C'est-à-dire, faites attention, elle peut prendre l'aspect d'un sujet hyperactif. Elle peut donner une réaction qui n'a rien à voir avec les propriétés pharmacologiques. C'est-à-dire que la réaction n'est pas codifiée. C'est pour cela qu'on dit que c'est une réponse qui est idiote. Vous prenez, s'il vous plaît, le tableau. S'il vous plaît, ne faites pas copier-coller. D'accord ? Vous ne faites pas compris, vous voyez, hein ? Vous prenez des exemples en disant que bon, il y a des réactions qui frappent. Vous n'arrivez pas à voir. C'est un peu d'eau, c'est un peu d'eau. On a tant fait le challenge. Ces réactions d'un point de vue immunologique. complexe IMA, chi U, c'est I, I, deuxième, U, N, S. Le complexe IMA, c'est une néphrite en manifestation et une myocardie, atteinte rénale et atteinte cardiaque. Et vous mettez comme exemple également, maltiapée. Voilà, c'est trop bien. Donc, c'est le plus utilisé en Algérie. Donc, dans le complexe IMA, vous avez néphrite et myocardie. Myocardite. Et en dernier, vous avez une médiation, c'est la réaction 4, la médiation cellulaire. Médiation cellulaire. Dans la médiation cellulaire, les manifestations, c'est des dermatites. Manifestation, c'est des dermatites. Dermatite, et comme exemple, toujours, vous pouvez mettre pédicite. Mais les effets secondaires que la liposolubilité sont des réactions secondaire dose dépendante ou dose indépendante. Autre chose. Donc la bonne administration, elle est à part. n'est pas de savoir. Caractéristique signifiée. Pardon ? C'est-à-dire que cette élimination, ça devient, si elle n'est pas éliminée, ça devient un facteur pathologique. Mais là, on revient au malade, parmi à la molécule. Ce n'est pas un problème de fixation. Non, l'insulation n'est pas liée au médicament. Non. Hein ? Oui, les distributions et tout sont régies par quoi ? Par les mécanismes de transfert, de transport, et qui vont influencer la bio. En fait, vous voyez la voie d'administration. C'est pour ça que j'ai lié les deux. Je vous ai dit, là et l'autre, je pensais que vous allez voir le poids commun. La formulation. Est-ce qu'on entend par formulation ? Arrêtez d'écrire, vous allez reprendre. Qu'est-ce qu'on entend par formulation ? Le même médicament, sur deux formes différentes. A, c'est le même principe actif. A va présenter un risque d'effet secondaire et l'autre pas. C'est pas la voix. L'injection, c'est la voix. Non, la formulation, je vous ai parlé et je l'ai répété plusieurs fois. Oui. Ah, c'est pas l'excipient. Je vais donner la forme à libération prolongée. Les formes à libération prolongée présentent moins de risques d'entraîner des effets secondaires. Pourquoi ? Parce que la biodisponibilité est minime. C'est-à-dire que quand vous prenez un dragé, ou là vous prenez un comprimé, ou là vous prenez une poudre, ou là vous prenez une ampoule du bain, et bien c'est l'ampoule du bain qui va diffuser plus rapidement, ou dit la poudre, ben j'ai comprimé, puis j'ai dragé. Pourquoi ? Parce que la solubilité n'est pas la même. Donc la résorption n'est pas la même, et la biodisponibilité n'est pas la même. Là, c'est la forme. Donc. Et certaines formes pour un même médicament, et bien certaines formes vont donner des réactions, ou des effets secondaires, et pas d'autres. Pourquoi ? Parce qu'ils vont influencer sur la résorption. La conservation. Là, je reviens à ce que votre camarade, au fond, a dit. La conservation, c'est... Les excipients. Quand il y a une mauvaise conservation, l'effet secondaire n'est pas lié à la molécule mère, mais aux excipients. Parce que les excipients jouent le rôle de stabilisateur. C'est le truc qui stabilise, de ne pas dépasser la dose. Presque. Dose de prévention. Ou là, le médicament a été mal conservé. Parce qu'il faut le mettre dans certains sirops pour enfants. On dit quand vous les reconstituez, vous les mettre au frigo dès l'utilisation une semaine. Au-delà d'une semaine, le flacon doit être jeté. Parce qu'il se détériore. Et pour certains excipients peuvent devenir réactifs. La péremption, j'ai dit dans les deux cas, parce que le médicament peut ne pas, parce que la date de péremption est une chose, vous trouverez, à utiliser avant juin 2014. Vous l'utilisez en janvier 2014. Mais si vous l'avez reconstitué, quand il est sous forme de poudre, qu'on appelle une forme lyophilisée, la forme sèche, et ça vous le verrez souvent, on vous le dira, je vous le dis aujourd'hui, la forme sèche est plus stable que la forme liquide. Et c'est très bien quand on veut conserver quelque chose. Si vous voulez conserver un gâteau, quand il est sous forme sec, il se conserve. D'accord ? Allez-y conserver le morceau de pince. Si vous voulez essayer, il serait les enjambes. Et oulala, s'il y a un peu d'humidité. Donc tout ce qui est humide, tout ce qui est aqueux, se dégrade. Donc si vous prenez le sirop qui se périme en juin 2014 et que vous l'avez reconstitué en janvier, vous n'avez qu'une semaine. Au-delà, il devient un problème qui peut être responsable des effets secondaires. Maintenant, quand on dépasse la date, autre chose, vous dépassez la date en juin et vous l'utilisez en août 2014 et vous le reconstituez, là ça peut poser un problème immédiatement parce que vous avez dépassé la stabilité la durée d'effet du conservateur. Parce que le conservateur n'a un effet limite que jusqu'à au mois de juin 2014. Vous avez compris la différence ? Là, le médicament est périmé. On n'a plus le droit de le reconstituer. Par contre, il peut y avoir un problème au moment de la reconstitution. On utilise, on puis par exemple pour beaucoup de parents, à faire nos deux cuillères de sel. On va rompre un casseau. 10 jours après, parce qu'il a contaminé, on a dénommé. Ça également, c'est un problème. Parce que la stabilité de l'aliment et la conservation sont un problème. Donc vous pouvez prendre note. Il y a un qui pouvait poser des questions tout à l'heure. Thank you. Dose dépendante uniquement. Les deux. Vous pouvez avoir des réactions parce que chez le toxicomane, il y a des hypersensibilités au récepteur. Et on va en parler, le sédentarisme, c'est beaucoup plus qu'effet secondaire. Le sédentarisme. Effet secondaire. Dose dépendant ou indépendant? Dépendant. S'il y a un mauvais métabolisme, une mauvaise élimination. Interaction, toxicomanie, habitude alimentaire et... Voilà.